jardin public, au milieu des ruines de plastique. Verdure de l'ère moderne, il flatte le pétrole en conserve. Sans renier ses parents, taillé dans un bloc d'agrément, il joue à l'homme râleur, on dit de lui qu'il a un cœur de pierre. Ses yeux le promènent où il veut, de l'Afrique autour de banlieues. Il connaît mieux le monde que le routard sur ses vieilles tongs. Les deux pieds bien vissés dans son carré d'herbe brûlée, il rêve à l'aventure, faire mentir un peu sa stature de verre. Malgré lui, ils portent leurs traces sur ses habits. Il connaît leurs prénoms et même leur alimentation. De maigres discussions lui ont offert une conclusion. À une vie de mendiant, il préfère vivre sans faux semblant à l'air. Privilégiés des histoires tordues du quartier, des belles lunes de vie, de mielleuses relations insipides. Quant à tous ces passants qui le regardent en rigolant, Napoléon d'argile n'est pas un métier très facile.